fait à ma télé fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. J'étais la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. J'étais la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. J'veux que bomba. Fraîche moyenne, mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines.